Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui monsieur Pascal Schiavon, voilà, qui est un producteur d'humoriste un petit peu sur Nice. Salut tout le monde. Alors mes trois anecdotes, ma première elle est pas du tout dans l'humour, elle est vraiment avec la musique. C'est-à-dire que depuis mes 14 ans je travaille bénévolement sur des festivals avec des musiciens, etc. Et un jour je me retrouvais avec un artiste très connu en France dont je tairai le nom, voilà. Parce que bon, l'anecdote n'est pas en sa faveur. Donc du coup tout le monde sait que la drogue est monnaie courante dans ce milieu-là. Et on jouait au foot, on était en train de se faire un match avant le concert. Et j'étais dans les cages, ça va pour partir sur un penalty, et cet artiste du coup se tape un gros rail de coq avant de tirer. Il prend son élan, il tire, il a tué trois mouettes, un pigeon, mais dans sa tête le ballon était dans les buts. Donc du coup il a commencé à célébrer ça comme si c'était la finale de la Ligue des Champions. C'était vraiment pas mal. Ça, cette anecdote elle est drôle. Après, ça, enfin, en tout cas c'est un bon souvenir que j'ai. J'imagine. Et la deuxième anecdote, donc, c'est quand j'ai commencé à présenter des scènes humour là, à ce moment-là. Je suis avec un ami, on est deux à présenter avec Stéphane Péju, du coup, mon associé dans mon association en plus. Donc on présente les scènes à deux et des fois on se dit, bon, on n'est pas humoriste, mais si on essayait d'écrire quelque chose. Et Stéphane, des fois, il a des idées, je ne devrais plus les écouter. Parce que, une fois, moi, vous ne le voyez pas, mais j'ai les cheveux longs. Et donc, je détache les cheveux. Enfin, il me dit, détache les cheveux sur scène, fais un peu comme Julien Doré, et tu vas voir, je vais te clasher. Moi, déjà gentil, je dis, vas-y, c'est bon, hein. Donc je monte sur scène, j'étache les cheveux, il me dit « Tu sais imiter un certain Julien Doré ?» Donc je commence à imiter Julien Doré, et là, bah, sa blague c'était « Ah, on dirait Julien Bourré !» Voilà, voilà. C'est tellement bizarre, c'est tellement nul. C'est ça, et du coup je me suis retrouvé avec une ambiance dans la salle... Oui, on était vraiment proche de ça. Et la troisième anecdote, c'était pareil, avec le même gars, dans la même salle en plus, mais je crois que c'était une ou deux semaines après. Et il vient me voir, il me dit « Oh, j'ai une idée génie, tu vas voir, regarde, j'ai vu un reportage en Chine, sur les aires d'autoroute, les Chinois, quand ils chient, ils ont pas de mur et ils discutent entre eux, viens, on joue deux Chinois qui chient et qui discutent entre eux, mais en chinois. » Et je lui dis « Non mais gros, c'est super, enfin c'est pas une bonne idée, c'est raciste. » Et il me répond « Mais non, t'inquiète mec, je suis vietnamien. » Ah bon, bah alors à ce moment-là... C'est le visa quoi. C'est ça. Et finalement, le rendu, ça a été 10 minutes de moi en train de faire des squats en essayant d'imiter un chinois qui chie, c'est-à-dire... Le rendu, c'est plus du japonais déjà. Oui, voilà, ouais. Mais bon, à ses yeux, c'était pareil déjà. Mais ça passe, le mec est vietnamien. Voilà, c'est... mais comme le mec est vietnamien. Mais en attendant, le rendu dans la salle, toujours le même. Vraiment, je précise, ce n'est pas un effet que je viens de rajouter. C'est réellement Pascal qui fait ça avec sa bouche. Il est excellent. Il sait faire les grillons au top. Ah, je sais faire la femelle et le mâle. D'accord. Et est-ce que tu peux nous faire le mâle qui vient de divorcer et perdre ses gosses? Excellent. Écoute, merci beaucoup. On peut te retrouver sur Facebook sur ta page Grosse Prod, je crois, c'est ça? Exactement, Grosse Prod, donc grosse comme grosse, ouais. Prod comme prod. Et sur cette page, vous verrez tous les événements humoristiques à Nice, ceux de Grosse Prod, mais également ceux des autres, les autres associations comme Vinyl, etc. Mais c'est bien, voilà, de partager tout ça. C'est ça, on est une petite région de France, une petite ville, même si on est très connu par rapport au tourisme, la mer et les montagnes, mais au niveau humour, on débute. Ouais. Donc si on s'entraide pas, on s'en risque pas de décoller. Eh bien écoute, donc, du coup, merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Voilà, avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à mettre une note sur 5 étoiles et un commentaire si vous êtes sur iTunes. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.